Il est très bien, ce jeune homme, dit-elle à l'oreille d'Hortense. Ah, tu trouves ? Répondit-elle. Je ne l'ai jamais remarqué. Steedman, mon brave, dit Venceslas à l'oreille de son camarade, nous ne nous gênons point entre nous. Eh bien, nous avons à causer d'affaires avec cette vieille fille. Steedman salua les deux cousines et partit. C'est fini, dit Venceslas en revenant après avoir reconduit Steedman. Mais ce travail-là demandera 6 mois, et il faut pouvoir vivre pendant tout ce temps-là. J'ai mes diamants, s'écria la jeune comtesse Steinbock avec le sublime élan des femmes qui aiment. Une larme vint aux yeux de Venceslas. Oh, je vais travailler, répondit-il en venant s'asseoir auprès de sa femme qu'il prit sur ses genoux. Je vais faire des brocantes, une corbeille de mariage, des groupes en bronze. Mais, mes chers enfants, dit Lisbeth, car vous savez que vous êtes mes héritiers, et que je vous laisserai, croyez-le, un joli magot, surtout si vous m'aidez à épouser le maréchal. Si nous réussissions promptement, je vous prendrais en pension chez moi, vous et Adeline. Ah, nous pourrions vivre bien heureux ensemble. Pour le moment, écoutez ma vieille expérience. Ne recourez pas au monde-piété, c'est la perte de l'emprunteur. J'ai toujours vu les nécessiteux manquant, lors du renouvellement, de l'argent nécessaire au service de l'intérêt, et tout est perdu. Je puis vous faire prêter de l'argent à 5% seulement sur billets. Ah, nous serions sauvés, dit Hortense.